ni belle, ni vigila. Alphonse Kugimana sur la mise en onde, excusez-nous pour les 3 minutes de retard. Et bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord les grands titres. Rencontre au mois de février prochain des ministres burundais, Rwanda et rwandais en charge de la justice afin d'échanger sur l'extradition des personnes suivies par la justice burundaise se trouvant au Rwanda. Vous aurez les précisions tout à l'heure avec le porte-parole du président burundais. C'est après la rencontre entre le président Ndayishimiye et l'envoyé spécial de l'ONU. Et une personne a été tuée la matinée de ce mercredi au quartier Gasekebouye. Nous sommes en zone urbaine de Moussaga. La police parle des enquêtes qui sont déjà en cours. Et dans la chronique par les rassurements d'aujourd'hui, l'on va vous parler de l'écoute dans la déconstruction des messages haineux. Voilà pour l'essentiel. Plus de 200 millions de femmes et de filles ont été victimes d'abus sexuels au cours des 12 mois qui ont précédé la pandémie de COVID-19 au monde. Cela ressort d'un communiqué de l'ONU Femmes ce 25 novembre où le monde célèbre la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles. Le même communiqué précise que depuis la pandémie et les mesures de confinement, les pays du monde entier ont constaté une augmentation alarmante des cas signalés de violence contre les femmes. Évariste Nzikobanyanga pour plus de détails. Cette année ne ressemble à aucune autre selon ce communiqué de l'ONU Femmes. Même avant que la COVID-19 nous frappe, la violence à l'égard des femmes et des filles avait atteint des proportions pandémiques. Au niveau mondial, 243 millions de femmes et de filles avaient été victimes d'abus sexuels commis par un partenaire intime au cours de 12 mois précédents. Dans le même temps, moins de 40% des femmes qui subissent de la violence en ont fait état et ont demandé de l'assistance. À mesure que les pays mettaient en œuvre des mesures de confinement pour arrêter la propagation du coronavirus, la violence à l'égard des femmes, surtout celles se produisant à domicile, s'est amplifiée dans certains pays. Les appels aux lignes d'assistance ont été multipliés par 5. Dans d'autres, les plaintes officielles pour violences domestiques ont diminué car les survivantes ont eu plus de difficultés pour demander de l'aide et du soutien par les moyens habituels. Les premières ont perdu leur emploi et les secondes leur scolarisation et elles sont devenues plus vulnérables à l'exploitation, à la maltraitance, au mariage forcé et au harcèlement. En avril 2020, alors que la pandémie s'étendait à travers le monde, le secrétaire général des Nations Unies a exhorté au maintien de la paix chez soi et 146 États membres ont répondu avec une déclaration ferme sur leur engagement à cet égard. Au cours des derniers mois, 135 pays ont renforcé leurs mesures et étoffé leurs ressources pour lutter contre la violence à l'égard des femmes dans le cadre de la réponse à la COVID-19. Malgré cela, il reste encore beaucoup à faire, poursuit ce communiqué. Aujourd'hui, bien que la voix des activistes et des survivantes ait atteint un volume qui ne peut être réduit au silence ou ignoré, l'élimination de la violence à l'égard des femmes va nécessiter davantage d'investissement, de leadership et d'action et ne peut être écartée et doit faire partie de la lutte nationale de tous les pays, surtout pendant la crise de la COVID-19 en cours. Termine son communiqué de l'ONU Femmes. Merci Évariste. Mais bon nombre de femmes cultivatrices à Muyinga invitées à s'exprimer sur la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre disent n'en savoir rien. Des femmes actives dans les associations féminines et précisent que les non-informées sont celles qui se mettent à l'écart du mouvement associatif sans poste récepteur pour s'informer de telles campagnes qui ont permis aux femmes d'être outillées en matière de défense de leurs droits. Dieudonné Nzeyimana, correspondance. Au premier jour de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, nous croisons dans les champs des femmes cultivatrices. La majorité des interviewés annoncent ne rien savoir de cette campagne. Celles qui en ont connaissance sont recrutées chez les membres d'associations féminines. Celles-ci laissent entendre que les 16 jours sont réservés à la lutte contre les violences sexuelles. Floride Nyabenda de la colline Bulima annonce être habitués à cette campagne annuelle. Elle indique que, de par les enseignements lancés lors de campagne, les femmes savent aujourd'hui quelles voies emprunter quand les droits sont violés. Les femmes estiment que de telles campagnes devraient être organisées en tenant compte des femmes jusqu'ici sans accès à l'information, des femmes encore à l'écart du mouvement associatif ou celles sans poste de radio dans les ménages. Muyinga Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. Merci à toi également, Dieudonné Nzeyimana. Une personne a été tuée la matinée de ce mercredi aux environs de 1h30 au quartier Gasekebouye de la zone Moussaga. C'est en commune en Bendomura. Selon la police, deux criminels non identifiés armés d'un pistolet ont fait irruption dans la chambre à coucher et ont tiré 3 balles au niveau de la poitrine du chef de ménage nommé Thierry Kougumane, âgé de 29 ans, précise Pierre Nhoulikié, porte-parole du ministère en charge de la sécurité publique. Cette personne a rendu son âme après son évacuation à l'hôpital. Ces malfaiteurs ont emporté le téléphone et 2 paires de chaussures, selon toujours la même source. C'est la police dit avoir déjà entamé les enquêtes. Après une courte pause, parlons politique sinon diplomatie. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Écoutez, la différence est sur Isanganiro, 13h04 dans nos studios. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Les Nations Unies demandent la prolongation du délai de fermeture et la liquidation du bureau de l'envoyé spécial pour le Burundi, comme déclaré par le gouvernement burundais. Cette réclamation est annoncée par Jean-Claude Karigwandenzako, porte-parole du président de la République, après une rencontre entre l'envoyé de l'ONU et le président Évariste Ndayishimiye, c'était ce mardi. Ces autorités ont également échangé sur l'extradition des présumés putschistes hébergés par le Rwanda, précise son porte-parole du numéro 1 Burundi, qui révèle une rencontre relative entre les autorités judiciaires au Burundi et au Rwanda en février prochain suivi. Il s'agissait de plaider pour la prolongation des délais impartis au bureau du secrétariat général des Nations Unies au Burundi qui devrait fermer ses portes bientôt. Ici, l'envoyé spécial demande au nom du secrétaire général que les délais soient revus à la hausse. Ici, le chef de l'État a demandé que les délais de 9 mois, de 12 mois sollicités par le secrétariat général des Nations Unies peuvent même dépasser ces 12 mois en fonction de ce que les techniciens du ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale vont s'entendre avec le secrétariat général des Nations Unies, parce qu'on comprend qu'il y a bien sûr des questions qui doivent être évidées, entre autres la résiliation, les préavis pour les contrats du personnel tant local qu'international. Troisièmement et dernièrement, l'envoyé spécial venait avec un message que le Rwanda a soumis au secrétaire général des Nations Unies. Le Rwanda reconnaît bel et bien qu'il y a des auteurs présumés du coup d'État de mai 2015 qui résident actuellement au Rwanda. Mais si le Rwanda voudrait un intermédiaire, il voudrait remettre ces présumés putschistes à notre pays pour que ça soit l'étape de transition avant qu'ils soient remis au Burundi. Ici, le chef de l'État s'inscrit en faux contre cette proposition parce que, selon lui, seule la justice peut être un facilitateur, un médiateur, et surtout que ceux qui partagent ce dossier, d'autres personnes citées dans ce dossier de putsch de 2015 ont été jugés et qu'il y a même une partie qui a demandé la grâce présidentielle. Ici, le chef de l'État suggère que la communauté internationale continue à exercer une pression sur le Rwanda, que le Rwanda accepte de coopérer avec le Burundi et surtout que le Rwanda respecte le droit international parce que les coups d'État relèvent du droit international. Mais le chef de l'État se félicite du pas déjà franchi dans la construction de bonnes relations d'entente de coopération avec le Rwanda. Il a souligné ici la récente rencontre entre le ministre des Affaires étrangères du Burundi et son homologue du Rwanda, mais aussi une rencontre en vue au début du mois de décembre qui devait réunir le ministre de la Justice du Burundi et son collègue du Rwanda, mais aussi les procureurs généraux des deux pays. C'était Jean-Claude Karigwandenzako, il est porte-parole du président de la République. Et en page agriculture, grogne des agriculteurs de la province Ngodi suite à l'apparition des maladies, notamment de mildiou pour la pomme de terre et chenilles légionnaires chez le maïs. C'est au moment où il s'observe le manque et la cherté des produits phytosanitaires couramment utilisés. Des alternatives, notamment le ramassage de ces chenilles pour les agriculteurs qui disent être incapables d'en acheter, sont envisageables, selon Moïse Widzimana du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage Apollinaire Muzagar. Dans bon nombre de communes de la province Ngozi, la population est à l'étape de sarclage des champs de maïs et de pommes de terre. La plupart de ces agriculteurs utilisent en même temps des produits phytosanitaires pour lutter contre le mildiou chez la pomme de terre et des chenilles légionnaires pour le maïs. Ces agriculteurs déplorent néanmoins la pénurie de ces médicaments et d'autres sont selon eux chers actuellement. L'exemple est celui d'Oditane qui était à 5 000 francs ces derniers jours mais qui coûte actuellement 13 000 francs le kilo. Le Ridomil, normalement utilisé, n'est pas disponible au marché. Mais Moïse Bizimana, chargé du suivi évaluation au BPI Ngozi, indique qu'il est substitué par celui dit Safari Max à raison de 36 000 francs le kilo. Bon nombre de cultivateurs à faible moyen financier ne pouvant pas se procurer de ces produits phytosanitaires mettent du sol dans les feuilles de maïs, ce qui n'est pas mauvais selon Moïse Bizimana, car ce sol asphyxie les chenilles qui finissent par mourir. Il conseille aussi à ces derniers la lutte mécanique, c'est-à-dire le ramassage de ces chenilles, sans oublier l'utilisation de l'huile de palme sur les feuilles de maïs. Cette huile, dit cet ingénieur agronome, attire des fourmis qui attaquent ces chenilles, une méthode dite biologique. Le Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage conseille aux agriculteurs la lutte contre ces maladies et chenilles à temps avant qu'ils ne fassent tache d'huile. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Dongozi, rendons-nous à Gitega où la Direction générale de l'environnement, des sources d'eau et de l'assainissement va protéger 20 sources d'eau pilotes. Dans la commune Bugendana de la province Gitega, dans une réunion ce mardi avec les administratifs à la base et les intervenants dans le secteur d'eau sur la protection des sources d'eau, ces administratifs de cette commune indiquent que les connaissances acquises leur permettront de passer à la protection des périmètres environnants des sources d'eau. Jean de Dieu, Irakoti. C'était réunion de la Direction générale de l'environnement, des sources d'eau et de l'assainissement avec les administratifs à la base de la commune Bugendana. Les intervenants dans le secteur d'eau est une occasion de mettre en application le décret-loi portant sur la protection des sources d'eau, fait savoir Joseph Nifacha, directeur des sources d'eau et des forêts. On vient de faire un atelier, une réunion avec les élus locaux et les propriétaires des terrains, ayant des terrains aux environs des sources d'eau, des points d'eau, dans le but de pouvoir protéger ces sources d'eau contre les bactéries et l'érosion et dans le but d'augmenter leur débit. C'est un travail qui a été commencé depuis que le gouvernement a mis en place la politique de l'eau et le code de l'eau qui a été promulgué le 26 mars en 2012. Denise Ndaïchimiye, exposant sur le décret-loi relatif au périmètre de protection, a montré trois périmètres proches des sources d'eau qui doivent être protégés, parmi lesquels figure le périmètre de protection immédiat où aucune activité n'est pas permise. Il s'agit, comme elle l'indique, de la surface comprise entre 30 mètres en amont, 5 mètres à gauche, 5 mètres à droite et 5 mètres en aval de la source d'eau. Et les habitants de cette commune indiquent avoir tiré profit de cette réunion. Selon eux, les connaissances acquises leur permettront de passer à la protection des périmètres environnants des sources d'eau. 20 sources d'eau aménagées par l'association villageoise pour l'encadrement du développement communautaire AVDEC en SIG vont être protégées après indemnisation aux propriétaires de champs faisant partie des périmètres de protection immédiat. Depuis Bugendana, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Transport en bref, plus de 300 membres de l'association des transporteurs du Burundi ont été assurés dans différentes sociétés d'assurance et plus de 90 millions ont été donnés aux différentes associations œuvrant dans le domaine de transport pour appuyer dans le transport en commun. Propos de Jean Bosco Minani, président de la Trabou, lors d'une assemblée ordinaire des membres de ce mercredi. Pour présenter les réalisations de 2020, ce qui est des perspectives, il a signalé que le renforcement des capacités à l'intention des chauffeurs sera organisé pour que les chauffeurs travaillent dans le respect du code de la route en vue de réduire les accidents de roulage. Après cette courte pause, chronique par le Rassure-moi. Parle, rassure-moi. Dans la chronique d'aujourd'hui, l'on va vous parler du rôle de l'écoute dans la déconstruction des messages haineux. Selon Alain-Joseph Atungimana, membre de l'organisation Psychologues sans vacances, une bonne écoute de l'autre constitue l'étape primordiale si du moins l'on veut avoir des résultats efficaces. Et pour y arriver, il dit qu'il faut que celui qui écoute essaie de se mettre dans la peau de celui qui parle, Oban Nyonguru. Dans les pays qui ont connu des conflits ou des guerres, il y a souvent des groupes qui s'accusent du rôle de l'un ou de l'autre dans ces troubles, ce qui pousse les membres de ces groupes à se lancer des messages de haine. Pour arriver à un compromis, l'écoute de l'autre est l'une des étapes importantes. Alain-Joseph Atungimana est membre de l'organisation Psychologues sans vacances. C'est vraiment un point de départ si vous souhaitez avoir avec autrui des échanges qui soient efficaces. Alors, il faut différencier le verbe écouter et entendre. Si je veux entendre l'autre, c'est-à-dire je vais capter le son de sa voix, ce qu'il dit, ça va passer dans l'oreille et sortir de l'autre. Mais si je prends le temps de l'écouter, c'est-à-dire je me donne moi-même, je me disponibilise. Et avec cette disponibilité, je sens ce qu'il veut dire, je me mets dans sa place, je vis l'empathie. Et en vivant cette empathie, c'est-à-dire que je me mets dans sa place pour voir quelle est ma réaction que je pourrais avoir si je lance un tel message, est-ce que ça blesse? Si l'écoute de l'autre manque dans une telle situation, il y aura toujours des accusations mutuelles et par conséquent, pas de cohabitation stable, explique ce psychologue. Si on ne s'écoute pas, des conséquences cela. Un, on est en insécurité. Alors, comme je vous disais, l'écoute, on se met dans la place de l'autre. Si on ne se met pas dans la place de l'autre, c'est-à-dire moi, je vais parler de l'autre et en parlant de l'autre, je vais, même s'il aurait fait quelque chose, voilà, je vais surdoser à son message pour que l'autre, une autre personne qui va écouter, va pouvoir porter la haine à l'autre, à cette personne. Donc, c'est une chaîne. L'autre conséquence, selon toujours Alain-Joseph Atungimana, est que le manque d'écoute peut conduire à des violences de masse. En fait, un message comme un insulte, si on parle de mal à une personne, c'est-à-dire que tu pousses une autre personne à le détester. Donc, moi, je dis, ok, ce monsieur est, je sais pas, c'est un bandit. Je viens chez toi, je dis, tu sais, l'autre est un bandit. Toi, si tu vas d'abord le haïr. Donc, avant de découvrir, tu pars de ce que tu as entendu. Et ce défaut va se répéter sur sa personnalité. Ce qui engendre des haines, ce qui engendre des conflits, ce qui engendre même des guerres. Il conseille aux individus qui seraient en conflit de s'écouter pour essayer de trouver une voie de sortie de leur mésentente. Merci, Oban Nyonguru. C'est par cette chronique qu'il met un point final à cette édition à 13h15. Merci à vous tous d'avoir suivi. Merci à Alphonse Koubguimana qui l'a mise en onde. Eline Ben et Vigra Jeté à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table.